Le parcours d'une entreprise est une aventure. Parfois, tous les problèmes semblent vous tomber dessus en même temps. Pour surmonter ces difficultés, vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés qui vous guide, comme les conseillers Dell Technologies. Ils vous donnent tous les conseils pour vous aider à relever les défis auxquels vous êtes confrontés et arriver là où vous voulez aller en toute sécurité. Ah, contactez un conseiller Dell maintenant au 0801 800 001. Dell Technologies recommande Windows 10 professionnel pour les entreprises. Au départ, pour soulager les affections psychiatriques graves, il y avait la lobotomie, très invasive, avec des effets secondaires qu'on peut qualifier de notables. Les neuroscientifiques ont rapidement conclu qu'il faudrait, pour étudier et influer sur le fonctionnement cérébral, des techniques plus douces. Ce fut dans un premier temps l'électroconvulsothérapie, autrement appelée électrochoc, très efficace contre les dépressions résistantes, mais pas dénuée d'effets secondaires sérieux. Mais depuis le milieu des années 80 est apparue la stimulation magnétique transcrânienne, un champ magnétique de courte durée qui donne des résultats très prometteurs. Stimulation cérébrale, par ici les bonnes ondes, c'est le programme magnétique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de cette stimulation magnétique transcrânienne, comment elle fonctionne et quelles en sont les applications, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Anthony Valero Cabré. Bonjour. Bonjour, bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de recherche CNRS, chercheur à l'Institut du cerveau, et Didier Boissira, bonjour. Bonjour. Neurologue, directeur de l'unité INSERM physiopathologie et pharmacologie clinique de la douleur à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt. Mais avant de vous retrouver, on commence comme chaque jour par l'actualité scientifique du jour et c'est dans le journal des sciences de Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Pour commencer ce journal, une étude parue dans la revue Science Advances, la crise de la reproductibilité serait plus grave que nous ne le pensions. Oui, voilà bientôt deux décennies que le monde de la recherche a pris conscience de cette crise méthodologique qui touche aussi bien les sciences dures que les sciences humaines et sociales. On se rend compte qu'il est de plus en plus difficile de reproduire les manipulations en laboratoire et les résultats de très nombreuses études, alors que c'est l'un des fondements de la méthode scientifique. Des chercheurs californiens ont passé au crible plus de 20 000 articles de diverses revues et se sont appuyés sur le Journal Citation Reports, la base de données la plus complète sur les citations d'articles. Ils ont découvert que les études aux résultats répliqués sont moins souvent citées que celles aux expériences non répétées, mais aux résultats intéressants ou différents. Selon les auteurs, ces études, qui attirent plus facilement l'attention, sont 153 fois plus susceptibles d'être citées, alors qu'elles peuvent appliquer des normes plus faibles quant à leur reproductibilité. Alors ce n'est pas forcément de la fraude scientifique, mais plutôt des malfaçons où matériel et méthode peuvent être inexacts. Les auteurs pointent du doigt la pression forte des médias et des réseaux sociaux, et ils encouragent les chercheurs à vérifier les données de réplication avant de citer une étude, et en particulier celle beaucoup citée. Et si vous voulez consulter précisément cette étude qui cite d'autres études, c'est sur le fil Twitter de l'émission, @lamethodefc. Et on passe au bref. Selon une autre étude parue cette fois dans la revue JAMA, un faible taux de testostérone pourrait être associé à des Covid-19 sévères. Une équipe américaine a mesuré les taux de testostérone de 152 patients de Covid-19, dont 143 hospitalisés. Il se trouve que de faibles concentrations de ces hormones sexuelles sont associées à une maladie plus grave. Au fur et à mesure que les hommes devenaient plus gravement malades, leur taux de testostérone continuait de baisser. Alors, mais l'une des limites de cette étude, c'est que ces mesures n'ont été prises qu'au moment de l'admission à l'hôpital des patients, pas avant. Impossible donc de savoir si ces niveaux d'hormones étaient déjà bas avant l'infection virale ou s'ils chutent à mesure que la maladie progresse. Voilà, et corrélation, comme toujours, ne veut pas dire causalité. D'autres brèves, Natacha, la Russie va construire un vaisseau à propulsion nucléaire pour une mission interplanétaire. Et depuis 2010, Roscosmos développe un prototype d'un remorqueur spatial, un vaisseau baptisé Zeus, qui est censé transporter des astronautes d'une planète à l'autre grâce à son réacteur nucléaire. Un prototype a déjà été testé en 2018. Alors, grâce à cette nouvelle technologie, la propulsion nucléaire, les temps de trajet devraient être considérablement réduits. L'agence spatiale russe a annoncé une mission interplanétaire vers la Lune, puis vers Vénus, puis vers Jupiter, pour un voyage d'un peu plus de 4 ans. Le lancement est espéré pour 2030. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Nature Geoscience, l'eau de la fonte des glaciers contient des niveaux élevés de mercure. Mais cette équipe internationale ne s'attendait pas à de pareils résultats. Les chercheurs analysaient la composition de l'eau de la fonte de la calotte glaciaire du Groenland dans 3 rivières et 3 fjords du pays. Ils ont identifié du mercure à des niveaux très élevés, des niveaux qu'ils qualifient même d'historiques. Alors selon les chercheurs, sous l'effet du réchauffement climatique, ces concentrations élevées proviendraient de l'érosion de la roche sous la calotte glaciaire du Groenland, qui est riche en mercure. Cette pollution pourrait avoir de graves conséquences sur l'environnement et sur la pêche locale. À mesure qu'ils fondent, le Groenland pourrait devenir une source d'émissions naturelles d'un des polluants les plus toxiques. Et merci beaucoup Natacha, à demain pour le prochain journal des sciences. Pour soigner le cerveau, une fois qu'on a exclu donc la lobotomie, il n'y a pas 1000 solutions. La plupart d'entre elles sont médicamenteuses. Avec cette complexité de la barrière hémato-encéphalique dont nous vous avions déjà parlé à ce micro, qui ne laisse passer que certaines molécules très petites en général. Il y a également l'électroconvulsothérapie ou les électrochocs qui, s'ils donnent des résultats très intéressants dans certains cas de dépression sévère notamment, ne permettent pas une approche fine ou spécifique dans d'autres pathologies. Plus récemment, se sont développés les implants cérébraux, intervention invasive, mais qui peut, dans certains cas précis, avoir des résultats très probants. Et c'était également le sujet d'une autre de nos émissions. Donc, si on veut aujourd'hui être à la fois précis et non-invasif, eh bien, depuis les années 80, il y a la stimulation magnétique transcrânienne, l'application d'un champ magnétique très bref dans des zones précises qui donnent des résultats encourageants tant en recherche que dans le traitement de certaines douleurs ou pathologies précises. L'application de courants électriques sur le cerveau, ce n'est pas nouveau et c'est d'ailleurs le sujet de notre archive du jour. Prêtez l'oreille, le son n'est pas excellent puisque nous sommes en 1946 sur la radiodiffusion française. La physiologie expérimentale révélait des faits entièrement nouveaux. Ainsi, Fritz Schietzi, en 1870, démontre que certaines régions de l'écorce cérébrale sont excitables. L'application de courants électriques alternatifs, convenablement dosés sur des points déterminés de la circonvolution frontale ascendante, donne lieu à des contractions limitées à certains groupes de muscles. Si l'intensité du courant est suffisamment forte, on peut produire une attaque épileptiforme généralisée. Avec des courants faibles, il est possible de trouver toute une série de points, chacun correspondant à un groupe déterminé de muscles. La circonvolution motrice est formée d'une sorte de mosaïque de centres individualisés. À cette époque, la technique de l'excitation électrique était déjà beaucoup plus avancée. Les physiologistes disposaient d'un appareil simple et facile à manier qui leur permettait de faire des excitations prolongées, la bobine d'induction. Voilà les prémices de l'électroconvulsivo, et non pas convulso, l'électroconvulsivo-thérapie. Une réaction peut-être à cette archive l'un et l'autre, Didier Boissira ? Oh bah c'est très intéressant, effectivement. C'est les débuts de l'utilisation de la stimulation cérébrale. On a démontré que le cortex était activable de l'extérieur, ce qui était quand même quelque chose d'extrêmement important, même s'il y a eu quelques données bien antérieures, puisque dès la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, on avait déjà des informations suggérant qu'il était possible de stimuler le cerveau via des stimulations magnétiques ou encore électriques. Mais évidemment, ce sont des données extrêmement intéressantes puisqu'elles ont permis l'évolution qu'on connaît aujourd'hui avec le développement de ces techniques non-invasives qui ont probablement un bel avenir devant elles. Anthony Valero Cabré, votre réaction à cette archive ? En fait, ça nous rappelle qu'il y a des inventions qu'on croit très contemporaines et très modernes qui ont débuté en fait dans des formes incipientes, si vous voulez, primitives, beaucoup d'années avant. Effectivement, la stimulation magnétique transcrânienne qui fait le sujet d'aujourd'hui, dans sa forme actuelle, c'est quand même un produit, une technologie qui date des années 85 pour être exact. Mais il y avait des formes de stimulation appliquées à des problèmes de santé déjà en 1960-1966, encore en direct, qui ont été oubliés depuis pendant 20 ans pour être redécouverts aujourd'hui. Il bien sûr faire mention à tout le travail électrophysiologique chez l'animal qui a utilisé l'électricité depuis la fin du 19e siècle pour explorer et cartographier le cerveau, bien sûr. À partir de quel moment, justement, est-ce qu'on comprend, Didier Boissira, que eh bien, les impulsions nerveuses sont assimilables à un courant électrique et que donc, bah, forcément, si on applique du courant électrique, à un moment donné, on obtient des... Oh, bah, on peut remonter quasiment enfin, au 19e siècle, voire même avant, puisque Galvani, déjà, avait bien sûr qu'on pouvait stimuler des nerfs de grenouille. Donc, effectivement, on a compris assez rapidement qu'on pouvait activer les cellules nerveuses avec du courant électrique. Bon, après, il a fallu que les travaux d'Huxley et compagnie, là, c'est beaucoup plus tard, dans le milieu du 20e siècle, pour vraiment comprendre les mécanismes en termes d'échanges ioniques entre l'extérieur et l'intérieur des membranes nerveuses. Mais l'idée que le courant électrique puisse avoir une action sur le système nerveux est très ancienne. La différence peut-être, ou en tout cas l'histoire de la progression de la connaissance au cours du XXe siècle, Anthony Valero-Cabré, c'est que là on entendait effectivement au début du XXe siècle, enfin, c'est l'archive date de 46, mais l'électroconvulsivothérapie est antérieure à cela, sauf que avec l'électroconvulsivothérapie, on obtient un effet global qui est un effet un peu brut et global sur l'ensemble du système nerveux central. À partir de quel moment on va comprendre que petit à petit, eh bien, on peut ne pas stimuler l'ensemble du cerveau comme ça avec un gros choc, mais avoir des effets de plus en plus fins finalement. Oui, globalement, la course à la focalité, en fait, voilà. C'est que on est en train d'expérimenter. Il continue à évoluer, en fait, ces dernières 20-30 ans. C'est essayer de passer des techniques qui délivrent des champs au début électriques des années 50, très larges, entre essentiellement au moins des électrodes, une anode et une cathode, qui s'échangent en fait d'électrons oscillant à une certaine fréquence, donc d'ici la thérapie électroconvulsive, un appareil qui en fait utilise l'électricité, la même source, pour générer un champ magnétique, les focaliser au centre d'une sonde qu'on va placer sur la tête du sujet, pour essayer de l'exposer à un champ magnétique qui va pénétrer à l'intérieur du cerveau. Et figurez-vous, qu'est-ce qu'il va faire une fois sur la substance grise de la surface corticale, induire un champ électrique. Donc en fait, cette focalisation a demandé en fait d'utiliser une source électrique pour générer un champ magnétique, pour induire un champ électrique à l'intérieur du cerveau, qui devient la source de stimulation cette fois focale. Voilà. C'est un peu l'histoire de ces derniers 40-50 ans en termes de technologies, que, je répète, continue à évoluer. Bien sûr. On va le voir d'ailleurs. Didier Boissira, il y a eu d'autres tentatives avant l'arrivée à la stimulation magnétique transcrânienne pour utiliser finalement des impulsions électriques, mais pour stimuler des parties plus restreintes, pour focaliser, comme le disait Anthony Valero-Cabré, l'impulsion sur des zones précises. Bah, c'était toute la difficulté, hein. Effectivement, c'était de passer à une stimulation globale du cerveau, que ce soit magnétique ou électrique, à quelque chose de beaucoup plus focal, pour essayer d'avoir des effets cliniques, en tous les cas, beaucoup plus précis. En réalité, bah, c'est vraiment l'avènement, hein, de ces techniques de stimulation magnétique transcrânienne, donc avec les travaux de Barker, hein, 1985, un petit peu avant que Merton et Merton, qui avaient montré que on pouvait activer le cerveau avec un champ magnétique. Mais à l'époque, il faut rappeler qu'il fallait stimuler assez fort et que ça faisait très mal, hein, quand même, hein, quand on pourrait activer le cerveau. Mais en tout cas, c'était la preuve de concept qu'il était capable, d'activer le cerveau. Et ensuite, bon, Barker a montré qu'on pouvait, en répétant, en utilisant des stimulations répétées, avoir une action plus linéaire sur le cerveau. Et donc, oui, enfin, effectivement, c'était l'enjeu, hein, de toutes les dernières années. Et on travaille, comme l'a dit mon collègue, encore actuellement, sur des techniques qui permettent de focaliser, voire d'atteindre des structures plus profondes du cerveau. Car aujourd'hui, une des limites, hein, de toutes ces techniques, c'est qu'elles sont extrêmement superficielles. On stimule les neurones corticaux, mais bon, c'est déjà très intéressant puisque ces neurones corticaux sont eux-mêmes reliés à beaucoup d'autres zones du cerveau. Mais néanmoins, on a une stimulation très superficielle et donc un des enjeux actuels de la recherche, c'est de développer des techniques permettant d'agir sur des structures beaucoup plus profondes. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc tout au long de cette heure de stimulation magnétique transcrânienne en compagnie d'Anthony Valero Cabré et de Didier Boissira. Anthony Valero Cabré, Didier Boissira vient de nous faire un petit panorama des débuts de la recherche. On parle effectivement de Barker en 1985 comme étant le pionnier de cette stimulation magnétique transcrânienne. Quels sont les débuts? À quel moment justement on commence à comprendre que, eh bien, en appliquant un champ magnétique, on va pouvoir déclencher un effet électrique? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Mais en fait, après les études qui ont été citées ici des Merton et Morton, où ils ont utilisé un courant électrique alterne directement sur la surface corticale, moi j'ai eu la malchance, entre guillemets, j'ai dit ça de façon rigolote, parce que j'ai essayé en fait la stimulation électrique, disons-elle, comme était pratiquée aux années 80, et effectivement c'est quand même très douloureux. Et donc les passages à la stimulation... C'est-à-dire qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, on appliquait un courant électrique directement, c'est-à-dire qu'il fallait quand même ouvrir le crâne et on appliquait un courant électrique directement à la surface des neurones, ou est-ce que c'était déjà transcrânien? Ça se faisait transcrânialement en passant un courant électrique similaire au courant qui circule dans nos réseaux électriques, tout simplement compte tenu que la voie crânienne c'est quand même un isolateur de toute activité externe électrique, donc il faut beaucoup de densité et des voltages finalement pour arriver à stimuler la surface corticale avec ces méthodes anciennes de Merton et Morton. Alors, ce que Barker a fait, comme j'ai dit avant, c'est vraiment designer un appareil qui lui a permis de charger et stocker de l'électricité pour après la faire circuler de façon synchrone dans une période de temps très bref au long d'un cordon qui finalise avec une espèce de sonde en forme de papillon, en fait, qui est placé sur les scalpes des sujets et qui va, en fait, générer cette impulsion magnétique. C'est un champ magnétique de très courte durée. On parle entre 150 et 250 microsecondes, qui va, à son tour, donc, pénétrer la surface corticale sans générer sensation douloureuse vraiment très, très dérangeante, pour induire à l'intérieur de la surface de la surface corticale, de la substance grise, un courant électrique. Un élément qui me semble très important, qui n'a pas été évoqué, si vous me permettez, c'est qu'en fait, les techniques de stimulation, ils ont évolué vers la focalisation, parce qu'en fait, la connaissance de l'anatomie cognitive, du codage électrophysiologique des fonctions cognitives dans le cerveau chez l'homme, chez la femme, il a aussi vachement évolué entre les années 20, 30, 40, 50, jusqu'à arriver à nos jours. Bien et qu'aujourd'hui, on a développé ces dernières années des techniques de stimulation basées sur la TMS, la stimulation magnétique, mais aussi la stimulation électrique, qui s'adaptent de mieux en mieux aux connaissances actuelles qu'on a de comment le cerveau s'organise en réseau et est capable de coder les différentes fonctions cognitives qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Ça me semble assez important de mentionner ici. Vous faites bien de le préciser. Je précise pour nos auditrices et nos auditeurs que dans la deuxième partie de l'émission, vers 16h30, on va évidemment parler des nombreuses applications, qu'il s'agisse de recherche ou d'applications thérapeutiques. Mais j'aimerais qu'on comprenne bien déjà, Didier Boissira, comment est-ce que ça fonctionne? C'est-à-dire, quels sont les principes qui font que, en appliquant un champ magnétique, alors on a parlé beaucoup d'électromagnétique, les auditrices et les auditeurs savent qu'il s'agit de la même chose, mais néanmoins, précisez-nous un peu comment on va pouvoir déclencher à partir d'une stimulation magnétique électrique, finalement une réaction électrique chimique de l'autre côté du crâne. C'est tout de même un peu complexe. Oui, c'est en même temps très simple, mais c'est vrai qu'il faut l'expliquer. C'est pas forcément évident, mais évidemment, tout ça découle du principe de Faraday, hein, de l'induction électromagnétique, c'est-à-dire que quand on crée un champ magnétique qui lui-même est créé par le passage d'un courant dans une bobine, hein, dans une sorte en général, eh bien, on va si on focalise suffisamment, c'était ça la grande découverte de Barker, hein, c'est de montrer qu'en focalisant ce champ magnétique, on pouvait recréer de l'autre côté du crâne, qui est un milieu conducteur, donc ce champ magnétique va se transmettre à travers le crâne et activer les neurones qui sont eux-mêmes extrêmement conducteurs. Les neurones fonctionnent avec de l'électricité, c'est leur principe même. Et donc, il est possible, à condition de focaliser, d'être capable de focaliser suffisamment le champ magnétique et le micro-courant qu'on va être capable de passer à travers le crâne, de réactiver en retour les neurones qui se trouvent de l'autre côté, donc au niveau du cortex cérébral. Mais la grande clé dans tout ça, c'était d'être capable de focaliser le champ magnétique sur une zone extrêmement précise du cerveau. Et alors, quand on dit focaliser, c'est-à-dire sur quel type de surface? On est sur il y a différents types de sondes, hein, bobines, hein, comme on dit, qui peuvent être utilisées. Bon, comme l'a mentionné mon collègue, le plus souvent, on utilise aujourd'hui ce qu'on appelle des bobines en forme de 8, hein, ou en forme de papillon, et qui sont celles qui permettent de pas mal de focaliser, d'avoir au milieu, hein, du 8, le champ magnétique le plus important et donc la création de l'autre côté du micro-champ courant électrique. On est sur du 1 ou 2 cm. Voilà. C'est ça. Anthony Valero Cabré, aujourd'hui, cet appareil, il fonctionne. Alors, il fonctionne évidemment, sinon j'en parlerai pas par ailleurs. Mais on va voir que on cherche tout de même à l'améliorer. Il y a différentes techniques ou différents types de stimulation néanmoins qui ne produisent pas les mêmes effets. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite revue de détails des différents modes de stimulation que l'on peut attendre de ces appareils? Oui, absolument. Donc, peut-être un élément, excusez-moi de reconduire un peu la question, mais ça me semble très important d'indiquer que quand Anthony Barker a développé l'appareil de stimulation magnétique tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est un appareil qui était à visée diagnostique, c'est-à-dire la première application, c'était dans des services d'exploration fonctionnelle, la stimulation du cortex moteur chez les patients qui avaient souffert un accident vasculaire cérébral ou une lésion de la moelle épinière, servait à montrer qu'il y avait une conductivité d'activité électrique plus ou moins affaibli à cause de la lésion, soit un AVC, soit un traumatisme, entre le cortex moteur primaire et les muscles des extrémités inférieures et supérieures. Donc, la première application de la TMS a été essentiellement diagnostique. D'ici à la stimulation magnétique, pardon, TMS, c'est l'acronyme en anglais. Voilà, c'est ça. C'est SMT en français, stimulation magnétique transcrânienne. D'ici à la stimulation magnétique transcrânienne thérapeutique, quand même, il y a eu plusieurs années d'évolution. Il y a une étape intermédiaire qui me semble très importante, c'est l'utilisation de la stimulation magnétique transcrânienne comme outil de recherche dans le domaine de la neurosciences. Alors, globalement, je ne sais pas si c'était un peu le sens de votre question, mais globalement, compte tenu que la stimulation magnétique transcrânienne nous permet de stimuler une région corticale et générer un effet qui émerge de l'activation des neurones qui sont liés à une certaine capacité cognitive, une certaine fonction, ça peut être la motricité, mais ça peut être l'expression de langage, la compréhension de langage, la mémorisation à court terme, etc., etc. Cet outil a été rapidement appliqué, cet outil diagnostique, au début, ça a été rapidement réappliqué par les travaux de Alvaro Pasqualeone, surtout aux États-Unis, à des applications exploratoires. Exploratoires avec un accent très, très, très particulier, ce qu'on appelle l'exploration causale du cerveau. C'est-à-dire jusqu'ici, et encore aujourd'hui, si vous me permettez de développer peut-être. Je vous en prie, parce que c'est très important, donc je vais vous laisser développer tout à fait. Oui. Et surtout les neuroscientifiques, médecins, mais neuroscientifiques surtout comme moi qui travaillons avec cette technique, on aime bien faire les points. Donc c'est une série de techniques qui nous permet d'explorer le cerveau de façon causale. C'est-à-dire, en neurosciences, on a toute une longue série de technologies, de cartographies, de mappings cérébrales qui sont très importants et qui ont joué un rôle essentiel et qui continuent à le jouer, mais qu'on appelle en fait d'ordre corrélationnel. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'ils enregistrent des changements de l'activité cérébrale, soit par exemple hémodynamique du débit sanguin dans le contexte d'un IRM fonctionnel, ou soit de l'activité électrique grâce à l'électroencéphalographie. Donc on enregistre des changements d'activité qui en fait coexistent dans le temps et dans l'espace avec une activité comportementale, une capacité cognitive qu'on est en train de tester sur un sujet, d'accord? Mais cette coexistence dans le temps et dans l'espace ne nous assure pas en soi-même qu'en fait, c'est des éléments, donc les changements d'activité dans une région cérébrale a un rôle causal et la cause vraiment de cette capacité à générer un certain output comportemental ou une capacité cognitive qui se développe. Pourquoi? Parce que la causalité, qui c'est des lois philosophiques très anciennes, demande en fait de la manipulation. Bien sûr. C'est ça exactement que la stimulation magnétique transcrânienne, de nouveau, née comme une technique diagnostique dans un contexte clinique, mais rapidement appliquée dans la neuroscience comme un outil d'exploration cérébrale, a permis d'apporter au domaine de la neuroscience cet élément causal très caractéristique de son utilisation. Si je puis me permettre de synthétiser pour que vous puissiez préciser ou commenter ou ajouter votre point de vue sur cette question, Didier Boissira, effectivement, l'imagerie cérébrale aujourd'hui est une imagerie qu'on dit corrélationnelle, c'est-à-dire que on voit que quand on demande à tel sujet de penser à telle chose ou de lever son bras, il y a tel type d'activité qui apparaît sur l'IRM fonctionnel ou sur l'électroencéphalogramme. Avec la stimulation magnétique transcrânienne, on produit des effets, donc on obtient ce lien causal qu'on ne peut pas directement obtenir, même si la corrélation est très forte en imagerie, directement avec les autres formes d'imagerie. Oui, comme ça vient d'être dit, c'est un des avantages de cette technique, hein, puisqu'effectivement, et en plus, On peut soit activer ou inhiber certaines régions du cerveau, hein, selon les types de stimulation qu'on va utiliser, selon la fréquence de la stimulation. Donc effectivement, là, on peut inhiber une région cérébrale et voir ce que ça produit sur le plan comportemental ou cognitif. Et à l'inverse, on peut activer une région cérébrale en changeant les paramètres de la stimulation. En général, des stimulations de fréquence plus rapide vont entraîner une activation corticale. Et donc, on va voir quel est l'effet d'une activation corticale sur telle ou telle fonction cérébrale, telle fonction cognitive, par exemple. Mais ça, c'est un des avantages, bien entendu, de la RTMS ou des stimulations cérébrales en général par rapport à des techniques indirectes ou corrélationnelles, comme vous disiez, comme l'imagerie cérébrale. Mais la grande limite aussi de ces techniques, c'est qu'elles sont extrêmement focales. Mmh. Et donc, on a les avantages de ces inconvénients. Et donc, on ne peut stimuler, en tous les cas, avec ces techniques non-invasives, on a accès qu'aux régions les plus superficielles du cerveau. Donc, on est quand même très limité. Ça dépend de la question qu'on pose, évidemment. Bien sûr. Alors, justement, pour avancer un peu, justement, encore une fois, sur l'appareillage et sur la technique, quels sont les avantages et, je vais dire, les inconvénients? Y a-t-il des inconvénients déjà? On parlait tout à l'heure de douleurs sur les premières stimulations magnétiques. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des inconforts? Et quel est le sens de la recherche pour améliorer précisément les effets et peut-être la surface et peut-être la profondeur de stimulation, Didier Boissira? Ben oui, exactement. C'est tout l'enjeu des travaux actuels. Effectivement, les premières bobines qui étaient utilisées entraînaient quand même des douleurs, c'était pas évident pour le patient ou le sujet qui était à l'expérience. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les techniques avec les bobines qu'on utilise, qui sont essentiellement, comme on l'a dit, en forme de 8, en figure de 8 ou en forme de papillon, si vous voulez, là, l'inconfort pour le patient ou le sujet est minime, c'est tout à fait minime. On parle d'inconfort pour être poli ou est-ce que ça fait mal quand même? Non, réellement, nous, on l'utilise quotidiennement chez des patients sans aucune difficulté. C'est extrêmement... On peut entraîner parfois des sensations désagréables, parfois des céphalées. C'est des maux de tête qui sont les principales complications à court terme de ce genre de technique. Mais c'est vraiment tout à fait supportable. On est dans des choses qui sont tout à fait gérables, même avec un peu de paracétamol. Donc au pire, si on a besoin d'utiliser un médicament. Donc sur le plan du confort, aujourd'hui, on a quelque chose qui est quand même assez satisfaisant, mais ce qu'on cherche à développer, ce sont des techniques qui sont encore plus précises en termes de stimulation. Et notamment, il y a beaucoup de développement technologique qui vise, par exemple, à atteindre des structures plus profondes. Mmh. Donc, on peut jouer sur la forme de la sonde. On utilise, par exemple, des sondes qui sont de forme conique, qui permettent d'atteindre des structures qui sont plus profondes, jusqu'à 5, 8, 10 centimètres parfois. Ah oui, d'accord. C'est quand même assez... Ça peut être plus profond. Et puis, il y a des on peut jouer aussi sur la forme de la bobine. On appelle ça des H coils. Ça, c'est selon la configuration de la bobine, on peut stimuler plus ou moins des zones plus ou moins larges du cerveau. Au contraire, parce que dans certaines indications, il peut être intéressant de stimuler davantage de régions cérébrales. Et en plus, on stimule de façon plus profonde. Bon, tout ça est encore à l'état de la recherche. Il faut être tout à fait honnête là-dessus, même si, par exemple, ces nouvelles bobines, H-coils, sont maintenant ont une certaine autorisation aux États-Unis. Donc, elles commencent à être utilisées en clinique. Donc, voilà, on est sur ce travail-là qui vise à être beaucoup plus précis, alors soit en augmentant la stimulation, parce que ça peut être parfois intéressant d'élargir, ou en visant des structures plus profondes, et bien sûr, tout ça avec le confort maximal pour le patient. Et pour être tout à fait honnête, c'est le cas des bobines qui sont disponibles aujourd'hui. Anthony Valero Cabré, sur ces nouvelles bobines ou sur l'avancée technologique finalement de ces différentes sondes. Oui, enfin, je voulais peut-être faire une petite précision. La première sur la focalité. La notion de focalité est évoquée ici comme si plus de focalité, c'est toujours un pari gagnant, c'est mieux. Ça dépend. Déjà, la focalité, c'est un terme relatif. La stimulation magnétique transcrânienne génère une activité, comme a été dit ici par mon collègue des studios aujourd'hui, d'environ entre 15 et 20 mm de rayon. C'est-à-dire on peut stimuler des points de la surface corticale de façon séparée et indépendante qui sont distants d'au moins, disons, entre 1 cm et demi et 2 cm. Alors, la question, c'est est-ce que c'est une bonne focalité ou pas, c'est le niveau des résolutions spatiales? Bon, ça dépend. Il y a des régions du cerveau qui concentrent en très peu d'un centimètre carré énormément des fonctions et des circuits extrêmement complexes, avec des oscillateurs, avec une activité de synchronie locale très, très, très complexe. Et donc, si on voudrait séparer de tâches séparées réalisées par ces types de neurones concentrés dans cet espace tout petit, la résolution ne sera pas suffisante. Par contre, il y a d'autres régions où la cartographie globale, par exemple, de différents muscles représentés dans l'avant-bras vraiment, la stimulation est capable de les discriminer assez bien. Donc déjà, c'est un concept très relatif. Et deuxième élément par rapport à la focalité qui me semble très important et qui finalement en rapport avec la forme de la sonde et la bobine de stimulation, c'est que il y a des applications en fait où être extrêmement focal n'est pas nécessairement avantageux. On va parler plus tard du programme thérapeutique qui a été développé avec ce type d'outils, mais certainement des maladies qui sont très, très distribuées dans la surface corticale sur des régions qui vont bien au-delà d'un centimètre et demi des rayons ou 2 centimètres des rayons, seront en fait traitées de façon très inefficace avec une technique extrêmement focale comme certaines évolutions de la stimulation qu'on a aujourd'hui. Et troisième élément par rapport à la focalité, on est un peu victime. Il faut quand même garder en tête qu'on est en train d'utiliser une source d'énergie parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait avec ces appareils? On prend de l'énergie et on essaie de la transporter à l'intérieur du cerveau afin de dépolariser des neurones. Et les activer. Et la question, il faut bien réfléchir qu'on est en train d'utiliser une source d'énergie, l'électricité, qui date de la fin, disons, de moitié du 19e siècle. Il a été maîtrisé par Edison, disons, vers la fin du 19e siècle. Attention à ce que vous dites. Si vous dites que ça a été maîtrisé par Edison et pas par Tesla, vous allez avoir il va vous arriver des bricoles. Je vais pas rentrer dans la polémique. Non, on va pas rentrer maintenant, je plaisante. Je vous laisse poursuivre. En tout cas, pour dire que, à mon avis, il y a des nouvelles technologies. On va devoir dépasser à un moment donné, on va être obligé à dépasser l'effet d'évaser nos stimulateurs sur l'électricité, sur une source plus purement électrique ou magnétique électrique. On va continuer à parler de cette stimulation magnétique transcrânienne et on va surtout évidemment s'intéresser aux applications, que ce soit des applications thérapeutiques, des applications diagnostiques ou dans le domaine de la recherche. Ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Dear Motors, ice, can I stay a while in the quiet of your sight? Dear Motors, ice, the world is heavy now. Tell me it will end somehow. Every day a place for you is granted in the great rivers of a smile. Counting scores was never meant for you. Oh mama, if you knew. Dear mother's eyes, tears they dry. Kids to find a way to shine. Dear mother's eyes, if you ever die, how would I stay safe and sound? Every day a place for you is granted in the great valleys of a smile. Counting scores was never meant for you. Oh mama, if you knew. Dear mother's eyes. Dear Mother's Eyes de Matt Foxes à 16h30 sur France Culture. Nous parlons de stimulation magnétique transcrânienne tout au long de cette heure en compagnie d'Anthony Valero Cabré qui est directeur de recherche CNRS et chercheur à l'Institut du Cerveau et Didier Boissira qui est neurologue, directeur de l'unité INSERM physiopathologie et pharmacologie clinique de la douleur à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt. Nous allons donc traiter dans cette deuxième partie des usages de cette stimulation magnétique transcrânienne à commencer comme chaque mercredi mercredi à mi-parcours par notre doctorant de la recherche Montre en main. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Ludovic Jean-Jean. Bonjour. Bonjour à tous. Merci. Vous êtes le bienvenu. Vous êtes en première année de thèse collaboration entre le Centre de neuromodulation non invasive des hôpitaux universitaires de Strasbourg et le laboratoire iCube. Vous travaillez sur la personnalisation de la stimulation magnétique transcrânienne pour les troubles de l'humeur et sur le projet e-Adapt. On vous écoute. Bienvenue à la recherche Montre en main. Merci. Donc oui, mon projet thèse pour sujet à la personnalisation de la stimulation magnétique transcrânienne. Il faut savoir que le traitement de la dépression est déjà un des principaux champs d'application de l'ERTMS. Il y a plusieurs études qui ont combiné les images de cerveau de nombreux patients dépressifs pour obtenir des profils types et définir une zone à stimuler. Que grâce à ces études, on dispose aujourd'hui des premiers protocoles de soins standards qui sont simples à mettre en œuvre. Cependant, une de ces limites de ces protocoles est qu'ils ne tiennent pas compte de certaines petites variations qui sont liées à l'anatomie de chacun ou aux caractéristiques de la maladie. Et les patients qui présentent ces variations doivent être stimulés à une zone légèrement différente que celle qui est ciblée par les protocoles standards. Résultat, la RTMS pourrait être moins efficace chez ces patients, voire plus du tout utile. Pour remédier à cela, nous essayons d'améliorer la technique en personnalisant la stimulation grâce à l'imagerie par résonance magnétique. Pour ça, il nous faut franchir trois étapes. Premièrement, l'identification des régions cérébrales concernées par la maladie. Deuxièmement, le repérage des régions impliquées chez chaque patient. Et enfin, il faut disposer d'un moyen de délivrer la stimulation exactement aux endroits voulus. Bien connaître les anomalies cérébrales liées à la maladie dépressive nous amène à envisager qu'il n'existe pas une, mais en fait plusieurs formes de dépression et que chacune d'entre elles affecte le cerveau à sa façon. Au cours de notre étude, nous allons essayer de constituer des sous-groupes pour associer telle anomalie cérébrale à telle forme de dépression ou à tel symptôme. Et avec ces informations, nous pouvons déjà proposer des pistes pour adapter la stimulation en fonction du sous-type de maladie. C'est déjà une forme de semi-personnalisation. Mmh. Pour aller plus loin et repérer les régions concernées chez chaque patient, nous mesurons l'activité cérébrale en détectant des petites variations de débit sanguin et de consommation d'oxygène. Faire cela chez une seule personne, c'est bien plus difficile que pour un grand groupe de sujets. Il nous a fallu développer de nouvelles méthodes pour traiter les images. Si des anomalies d'activité cérébrale sont présentes et qu'on les suppose liées à la dépression, elles deviennent des cibles pour la RTMS. Et cette fois, la stimulation tient compte à la fois du type de dépression et des particularités propres au fonctionnement de l'individu en question. Une fois la zone cible repérée, il s'agit de délivrer des stimulations avec précision, parfois sur une large zone. Il n'y a aucune indication à l'extérieur du crâne pour trouver la cible que nous avons repérée à l'imagerie. Même si nous la trouvions, en fait, il y a toujours le risque que le patient bouge pendant la séance. Pour résoudre ce problème, nous utilisons un robot qui a été développé à iCube dans notre laboratoire. Il a été développé pour pouvoir positionner la bobine de RTMS en fonction de l'imagerie. Et il peut suivre en direct les mouvements de la tête du patient. L'objectif principal de notre étude, c'est de montrer l'efficacité de la RTMS personnalisée. Pour cela, nous la comparons avec la RTMS sans personnalisation. Pour bien mesurer l'effet de chaque stimulation, nous réalisons des nouvelles images avant et après chaque traitement. En somme, nous espérons que ce projet permettra de montrer l'intérêt d'améliorer les pratiques actuelles en personnalisant les soins grâce à l'imagerie. Accessoirement, nous espérons également contribuer à améliorer la compréhension des différentes formes de dépression. J'aimerais remercier toutes les personnes qui participent à ce projet. Les psychiatres de l'Association française de psychiatrie biologique et neuropharmacologie qui travaillent à développer la RTMS en France. Il y a tout un réseau. Et je remercie tout particulièrement l'équipe du CEMIS à Strasbourg. Et c'est nous qui vous remercions, Ludovic Jean-Jean, pour cette présentation de vos travaux. Peut-être une réaction, Didier Boissira, Anthony Valero-Cabré. Didier Boissira, pour commencer, sur ces travaux, et effectivement les travaux sur la dépression, qui donnent des résultats vraiment très intéressants, et d'autant plus intéressants qu'ils permettraient une substitution à l'électroconvulsivothérapie, dont on sait qu'elle a des résultats aussi très forts pour les dépressions résistantes, mais avec des effets secondaires, eux aussi, assez dommageables. Oui, effectivement, les applications à la psychiatrie et notamment au traitement de la dépression de la stimulation magnétique sont une des principales indications, hein, effectivement. Et ça a été rapidement utilisé dans l'idée, comme vous le disiez, de de se substituer dans la mesure du possible à l'électroconvulsivothérapie qui n'avait pas très bonne presse, hein, et en se disant peut-être qu'on peut, par une technique considérée comme moins invasive et qui est beaucoup moins invasive bien sûr que les électrochocs, hein, comme on dit vulgairement, eh bien on pourrait produire des effets similaires à ceux de cette technique invasive. Alors en réalité, bon, c'est là on dispose aujourd'hui de beaucoup d'études, hein, plusieurs dizaines d'études dans ce domaine, et comme vous le savez peut-être, cette technique est maintenant reconnue, hein, sur le plan clinique dans beaucoup de pays, dans plusieurs pays, pas officiellement en France. Ça pourrait arriver dans les prochaines années, mais pas toutes prochaines années. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, mais c'est déjà le cas aux États-Unis, au Canada, en Australie, Nouvelle-Zélande, Israël. Enfin, plusieurs pays ont déjà passé le pas, et donc elle est proposée comme, non pas comme substitut, mais comme alternative aux électroconvulsivothérapies. Alors, chez des patients qui ont des dépressions résistantes aux médicaments. Et alors, il y a eu quelques études, hein, de comparaison directe entre électroconvulsivothérapie, électrochoc, si vous voulez, et RTMS. Il semble tout de même que la RTMS soit un tout petit peu moins efficace, mais avec quand même beaucoup moins d'effets indésirables. Donc c'est une balance, hein, comme d'habitude. Et il va falloir trouver quels sont les meilleurs paradigmes de stimulation, les meilleurs paramètres de stimulation. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, la RTMS a une vraie indication dans ce domaine. Qui va sans doute se développer, reste à vraiment préciser le moment auquel on peut proposer cette technique qui est très peu invasive et d'une certaine façon qui entraîne moins d'effets secondaires que beaucoup de médicaments, hein, faut pas l'oublier. Également. Donc on peut même se poser la question chez certains patients, pourquoi pas l'utiliser en première intention. C'est pas encore du tout les indications actuelles, hein, on les propose chez les patients réfractaires, mais un des sujets de recherche à l'avenir sera probablement de voir son positionnement. Est-ce qu'on pourrait pas carrément la proposer plus tôt dans la prise en charge de ces patients. Alors, avec ensuite la question de l'instrumentation, parce que l'appareillage coûte relativement cher, que pour le moment, évidemment, tous les centres hospitaliers ne sont pas équipés. Un mot tout de même à Anthony Valero-Cabré sur bien les travaux de Ludovic Jean-Jean et plus généralement sur l'influence, ou en tout cas les résultats, les études, aujourd'hui, ce que dit la littérature scientifique sur ce que produit la stimulation magnétique transcrânienne sur les dépressions résistantes. Oui, un premier commentaire, c'est que il faut quand même admettre que c'est une technique développée initialement par des ingénieurs, bio-ingénieurs, avec des applications dans le domaine des explorations fonctionnelles plutôt axées neurologiques. Mais les psychiatres, ils se sont emparés assez rapidement de l'outil. Ils ont été les premiers. Je pense aux travaux de Mike George, même de Pasquale Leone, finalement un espagnol qui travaille à Harvard, neurologue lui-même qui, en fait, a développé les applications en dépression. Donc, c'est évident que le chantier initial thérapeutique de la stimulation magnétique a été notamment axé sur la dépression pendant des années et des années. Les effets, ils ont l'air d'être, dans les méta-analyses, relativement faibles, mais intéressants pour certains groupes de population. Je pense qu'il y a encore énormément d'aspects améliorés. Elon a été, signalé par l'étudiant qui a participé à l'émission, qui vient d'intervenir. C'est la question des différences interindividuelles. Ça, c'est un grand classique en stimulation, mais je dirais, dans n'importe quel type d'intervention, quand on regarde les résultats individuels de chaque patient, sous-jacent aux patients qui participent à des expériences ou à des interventions de stimulation magnétique transcrânienne, on peut voir qu'en moyenne, souvent, on a des effets qui s'affichent significatifs, mais qu'il y a des individus, des fois des outliers, des pas un nombre important d'outliers qui modulent son activité, qui modulent sa pathologie, en fait, il répond de façon un peu différente que la moyenne. Ces différences individuelles, il ne faut pas les voir comme un problème, il faut essayer de les identifier les sources, essayer de les minimiser. Certains ont été déjà indiqués ici. N'oublions pas, la stimulation transcrânienne doit être, en fait, appliquée en traversant les crânes et la tête. Donc, la forme de la tête même de chaque sujet, de chaque individu, compte de façon assez influente, a une influence assez importante par rapport à l'effet qu'on arrive à retrouver en surface corticale. Alors, tout ça pour pas parler des différences interindividuelles en termes d'excitabilité corticale, et la pathologie ajoute encore une couche de variabilité entre patients et patients traités. Alors, comment en fait essayer de réduire la variabilité interindividuelle, ou tout simplement adapter les traitements aux caractéristiques individuelles qu'on ne va pas pouvoir changer de chaque patient. Donc, globalement, l'idée, c'est extraire des biomarqueurs, des facteurs disons, qui ont une influence sur l'effet du champ magnétique qui doit pénétrer et générer un courant induit à l'intérieur du cerveau, et essayer de le modéliser pour après faire du reverse engineering, si vous voulez. Mm-hmm. Ça se fait au moyen des modèles computationnels qui sont basés sur l'IRM de chaque sujet individuel au patient qui participe à une étude, dans lesquelles on applique les équations électromagnétiques de Maxwell pour essayer de calculer le contenu d'une source magnétique appliquée en surface, et tenant compte de l'épaisseur corticale, l'excitabilité et la conductivité des différentes couches des tissus et des milieux que le champ magnétique va devoir traverser, quelle est en fait la magnitude et la distribution du champ électrique qu'on va induire à l'intérieur du cerveau. Et après, adapter un peu la source pour essayer de customiser en fait l'activité qu'on va engendrer à l'intérieur du cerveau. Vous voyez, donc ça, c'est encore en développement. Il y a des très belles plateformes online, accessibles, open, de modélisation des effets de la stimulation magnétique transcrânienne qui n'ont pas été très utilisées pour le moment encore, patient par patient, pour individualiser ou customiser le traitement. Mais à mon avis, c'est une voie de recherche très, très importante et très intéressante pour vraiment faire le mieux qu'on peut sur chaque patient. Je crois que Ludovic Jean-Jean, notre doctorant, voulait réagir. Vous vouliez ajouter un commentaire, Ludovic ? Oui, merci. C'est le psychiatre que je suis qui voulait rajouter commentaire sur le positionnement de la RTMS à côté de l'électroconvulsivothérapie. Certes, on l'a beaucoup présenté comme une alternative à l'électroconvulsivothérapie, mais la réalité du terrain montre que le CETA en a encore besoin. C'est une de nos meilleures armes pour certaines formes de dépression ou de schizophrénie résistante. Et considérer que la RTMS pourrait être une alternative me paraît un petit peu précoce dans la réflexion. Aujourd'hui, ce serait plutôt un positionnement en complément. En fonction des biomarqueurs que nous pourrions identifier ou des profils de maladie, nous pourrions orienter les patients plutôt vers la RTMS un petit peu moins invasive ou vers le CT, dont l'efficacité aujourd'hui n'a jamais été dépassée par un autre traitement psychiatrique. Un mot peut-être également rapidement Didier Boissira, parce que Ludovic Jean-Jean vient d'évoquer les traitements de certains symptômes de la schizophrénie. Là aussi, on a des études, une littérature médicale qui montre que la stimulation magnétique transcrânienne peut avoir des effets encourageants. Oui, ça fait quelques années que des études sont sorties dans ce domaine, suggérant qu'on pourrait avoir un effet dans certaines formes de schizophrénie, sur certaines hallucinations. Sur certains symptômes précis. Symptômes très, très, très précis de la schizophrénie. Je ne suis pas psychiatre, donc mon collègue sera peut-être plus à même de répondre. Mais là encore, bon, les résultats sont assez controversés. C'est peut-être une des indications les moins claires de ce type de technique. Néanmoins, ça reste un domaine de recherche et très ouvert. Bon, il y a une question que je me pose en tant qu'observateur extérieur, c'est que on a souvent fait et traité des neurosciences à ce micro, et dans le discours sur les neurosciences ressort souvent le fait que le localisme, c'est-à-dire l'idée que tel effet est lié à telle zone précise du cerveau, est un peu dépassé, et qu'on arrive aujourd'hui dans une compréhension des mécanismes cérébraux beaucoup plus distribuée. Or, j'ai le sentiment, Anthony Valero Cabré, que la stimulation magnétique transcrânienne, agit précisément sur des points et des éléments extrêmement locaux. Alors, est-ce que l'un et l'autre sont contradictoires ? En fait, non. Enfin, ils sont très liés l'un à l'autre. Moi, j'ai travaillé spécifiquement sur cette question vers l'année 2000, 2003, 2004, dans ma période postdoctorale à Boston, dans le laboratoire d'Alvaro Pascal León, et chez l'animal et aussi chez l'homme. On a bien vu depuis le début que la stimulation génère des effets directs sur la région ciblée, mais que ces effets se distribuent en réseau dans des régions très lointaines, en fait, de la région stimulée, en respectant une règle, c'est la richesse de la connectivité anatomique, ça se fait par des faisceaux des substances blanches, en fait, qui relient la région ciblée à d'autres régions cérébrales. Et donc, et globalement, considérer que la stimulation agit de façon focale, c'est une simplification dangereuse, je dirais, pour interpréter les effets de la même. Et il faut toujours garder en tête que ces effets locaux vont se distribuer et que malheureusement, on a pas énormément de méthodes qui nous permettent en simultané avec la stimulation d'essayer de capter quelle est l'étendue de l'influence en réseau de cette stimulation. Parce que comme vous imaginerez bien, donc introduire un stimulateur magnétique à l'intérieur d'un appareil d'IRM fonctionnel, c'est possible, on l'a fait, on l'a testé, mais ça génère énormément d'artefacts. Donc la seule technique qui reste aujourd'hui compatible pour capter cet effet en réseau, qui est très très important et qui explique une grande partie des effets thérapeutiques ou des effets physiologiques de la stimulation, c'est l'électroencéphalographie. Nous, dans notre labo ici à l'ICM, on travaille énormément dans ce type de combinaisons. Et on pense que c'est très important de pouvoir coupler la stimulation toujours à une source qui permet une cartographie de l'effet. Dosage local, mais dosage et étendu à distance, direct, par des mesures physiologiques. Didier Boissière, en un mot. Oui, non, juste un mot, je voulais abonder dans ce sens, hein, en disant qu'effectivement, on sait très bien que les effets de la stimulation magnétique sont pas liés à la stimulation de la région qui se trouve juste au-dessous de la bobine, hein, par exemple dans le domaine de la douleur, qui est une des autres grandes indications auxquelles je voulais arriver, parce que c'est votre spécialité. De la stimulation magnétique, on stimule le cortex moteur. Le cortex moteur qui, a priori, n'est pas directement, en tous les cas, impliqué dans la douleur. Et ce cortex, la stimulation de ce cortex marche beaucoup mieux et beaucoup plus efficace que celle du cortex sensoriel qui est juste à côté, hein. Donc, vous voyez que, donc, on comprend bien que c'est pas par l'activation du système moteur qu'on a un effet sur la douleur, mais c'est comme cela vient d'être dit, par la mise en jeu d'un réseau important de structures, car quand on stimule le cortex moteur, on va activer un certain nombre de neurones qui ont des prolongements vers de nombreuses autres régions cérébrales, corticales et sous-corticales d'ailleurs, et c'est par ce biais-là qu'on a un effet sur la douleur. On le comprend pas encore complètement, mais on sait d'ores et déjà qu'on va mettre, on va être capable de mettre en jeu des structures qui sont très éloignées du cortex moteur et dont on connaît le rôle dans la modulation de la douleur. Et donc dans des structures profondes. Des structures profondes. Oui, tout à fait. Si, on a montré qu'on pouvait avoir, avec, bon, c'était de l'IRM fonctionnel, donc avec tous les défauts que peut avoir de l'utilisation de cette technique, mais néanmoins, on peut activer des régions qui sont éloignées et bilatéralement d'ailleurs, et profondes avec des stimulations unilatérales du cortex moteur. Sur cette prise en charge de la douleur, ce sont des pathologies spécifiques comme la fibromyalgie, mais plus précisément, un mot à ce propos, Didier Boissière. Alors, ça, c'est un domaine qui est plein développement, presque en explosion. On est en train de montrer qu'on est capable de traiter de pas mal de types de douleurs avec ce type de technique. Vous parliez de fibromyalgie, qui est un syndrome douloureux particulièrement compliqué à traiter par ailleurs, qui répond très peu aux médicaments, hein, de façon générale. Mais c'est aussi le cas pour les douleurs neuropathiques, qui sont liées à des lésions du système nerveux, des nerfs, de la moelle ou du cerveau, et qui elles aussi semblent répondre à ce type de traitement. Donc là, on est là. Vraiment, c'est une nouvelle indication qui pourrait extrêmement modifier, ou en tous les cas, je ne dirais pas révolutionner, mais en tous les cas, modifier en profondeur notre prise en charge des patients. Et je vais vous renvoyer à l'émission que nous avions consacrée aux douleurs chroniques. On avait passé effectivement une heure sur cette question passionnante. Une autre application émergente de cette stimulation magnétique transcrânienne, c'est la lutte contre les addictions. Et c'est par ailleurs ce à quoi vous êtes intéressé aujourd'hui, Antoine Beauchamp. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, et cette piste est suivie par Benoît Trojac et son équipe. Benoît Trojac est professeur de psychiatrie et d'addictologie à l'université de Bourgogne-Franche-Comté et responsable du service d'addictologie au CHU de Dijon. Depuis plusieurs années, que ce soit autour de l'addiction à l'alcool, au tabac ou bien au jeu, Benoît Trojac expérimente avec des résultats prometteurs le recours à la stimulation magnétique transcrânienne chez des personnes atteintes d'addiction. Il nous explique le protocole qu'il suit avec ces personnes et l'intérêt que pourrait représenter à terme ce type de stimulation pour mettre fin à des addictions. Nous avons donc l'expérience antérieure de l'utilisation de ces techniques dans le traitement de la dépression. C'est vrai que il y a eu pas mal de travaux qui ont été effectués en psychiatrie, et ce, dès la fin des années 90, avec ces dispositifs. Et de ce fait, notre service pratiquait ces séances de stimulation pour traiter les troubles dépressifs résistants. Et comme notre service avait également un département d'addictologie, il nous a semblé intéressant, en fait, de profiter de cette expérience pour traiter les troubles addictologiques, en sachant qu'on a très peu de traitements en addictologie. Et donc on s'est lancé dans l'aventure en 2010, avec un premier protocole en tabacologie. Je crois que vous avez recours à deux types de stimulation. Est-ce que vous pourriez me parler de ce qui distingue ces deux types, quels sont leurs effets différents, et pour quel type d'addiction vous envisagez de les utiliser ? On dispose donc de deux outils correspondant à ce qu'on appelle nous les stimulations cérébrales non invasives. C'est-à-dire qu'on va appliquer des dispositifs très simples, au niveau donc, du scalp, du cuir chevelu plus précisément. Et ces dispositifs vont permettre de modifier la sensibilité des neurones. Pour pouvoir faire cette neuromodulation, il existe deux techniques. Il y a d'un côté ce qu'on appelle la stimulation magnétique transcrânienne, et de l'autre côté, il y a la stimulation cérébrale à courant direct. Le point commun entre ces deux techniques, que ce soit la technique avec la bobine ou avec les électrodes, le point commun est l'effet, cette neuromodulation, ce changement de sensibilité, et puis la simplicité. C'est-à-dire que c'est des techniques qui sont délivrées en ambulatoire, il n'y a pas besoin d'être hospitalisé, et puis on réalise ces séances qui ne nécessitent pas de prémédication, il n'y a pas besoin de prendre un médicament avant de faire les séances. Une séance dure une dizaine de minutes, que ce soit avec l'une ou l'autre des techniques, et ensuite le patient rentre chez lui sans traitement ni surveillance particulière, du fait de la simplicité et du caractère sûr de ces techniques. Dans le cadre de cet accompagnement de personnes souffrant d'addiction, si on rentre un petit peu maintenant dans le détail des mécanismes cérébraux, quelles zones cérébrales vont être stimulées et pourquoi avoir fait ce choix de région ciblée en particulier ? Alors, depuis maintenant une vingtaine d'années, on fait pas mal d'imagerie fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on a des techniques d'imagerie qui nous permettent de mesurer l'activité du cerveau. Et de ce fait, on a étudié l'activité de personnes souffrant de différentes maladies, en l'occurrence d'addiction. Et on s'est rendu compte que lorsqu'on souffrait d'addiction, quelle que soit l'addiction, tabac, alcool, cocaïne, amphétamine, etc. Mais les sujets souffrant d'addiction ont des anomalies de fonctionnement au niveau des régions préfrontales. De ce fait, le fait de savoir que sur les régions préfrontales, il y a des dysfonctionnements au niveau du cerveau, eh ben, ça nous donne une cible thérapeutique. C'est-à-dire qu'avec ces techniques, on aimerait finalement moduler, rectifier, corriger les anomalies cérébrales qui sont observées lorsqu'on souffre d'addiction. Le projet que vous démarrez actuellement, combien de personnes il va concerner ? Combien de personnes vous souhaitez recruter ? Et pour quel type d'addiction ? Vous parliez du tabac juste avant. Est-ce qu'il y a d'autres addictions que vous allez explorer ? Alors effectivement, on a débuté par le tabac en 2010. Ça nous a encouragé donc pour développer un deuxième protocole qui va se terminer très prochainement, probablement en juillet prochain. Et là, nous sommes en train de mettre en place un troisième protocole pour poursuivre justement ces recherches en tabacologie utilisant donc ces techniques de stimulation cérébrale. En alcoologie, on a actuellement deux protocoles de stimulation, une large étude nationale qui est en phase d'être terminée, qui avait pour objectif d'aider les patients souffrant d'éthylisme, d'alcoolisme, à réduire leur consommation. C'est-à-dire qu'encore une fois, on fait 10 séances de stimulation pour aider ces patients à la réduction des consommations d'alcool. Cette large étude a débuté en 2015 et elle va se terminer très très prochainement. Cette étude comporte 340 participants et ça nous permettra d'avoir un résultat solide en matière de résultats sur le plan scientifique et ce qu'on appelle surtout en termes de niveau de preuve. Et nous avons d'ailleurs déjà débuté une nouvelle étude localisée au niveau de la région Est, sur Dijon et Strasbourg. Une nouvelle étude où il y aura 140 participants, toujours en alcoolologie, avec cette stratégie d'aider à la réduction des consommations d'alcool. À côté de ces protocoles en tabacologie et puis en alcoolologie, nous avons donc un cinquième protocole qui est ce qu'on appelle une étude pilote. C'est vraiment une petite étude. Et cette étude vise à étudier l'intérêt de ces stimulations sur ce qu'on appelle l'usage pathologique des jeux sur Internet. C'est une nouvelle addiction qui a été décrite en 2013. Des jeunes, principalement, peuvent souffrir d'un usage excessif, addictif, des jeux en ligne sur Internet. Et de ce fait, nous avons débuté un premier protocole pour voir si ces techniques de stimulation cérébrale étaient intéressantes pour aider, encore une fois, la réduction du temps passé sur le jeu en ligne. Si on se penche maintenant sur les résultats que vous avez obtenus, que ce soit dans les études précédentes ou des résultats préliminaires dans des études en cours, quels sont les effets de cette stimulation-là sur la réduction de l'addiction ? Quand on regarde la littérature internationale, on sait que ces techniques sont efficaces pour réduire ce qu'on appelle le craving. Le craving, c'est le besoin pressant, le besoin irrépressible de consommer, de réaliser le comportement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller un petit peu plus loin. C'est pas le tout d'avoir moins d'envie, encore faut-il que ça donne un résultat concret, à savoir une réduction de la consommation. C'est ce qu'on regarde nous en alcoolologie, ou permettre aux patients d'être totalement abstinents. C'est ce qu'on étudie nous en tabacologie. C'est vrai qu'on peut utiliser nous les stimulations aussi bien pour réduire un comportement que pour essayer de le stopper. Voilà, ce reportage, précisons bien sûr qu'il s'agit de recherches encore et que ce ne sont pas des techniques qui sont mises à disposition pour l'heure encore, en espérant que ça le soit rapidement du grand public une fois que ces résultats seront confirmés. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Didier Boissira. Merci à vous. Merci Anthony Valero Cabré d'être venu nous parler de cette stimulation magnétique transcrânienne. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Céline Lozen, Noémie Naguette Saint-Vulfran, Natacha Triou, Eleanor Pérez, Alexandre Morales, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique. Demain, nous allons remonter très loin dans le temps et dans pas du tout. Ça, c'était. Je viens de me tromper complètement. Qu'est-ce qu'on fait demain? Eh bien, demain, j'ai un trou de mémoire parce que j'ai oublié mon programme. Eh bien, oui, demain, pardon, excusez-moi. Merci à mon réalisateur Olivier Bétard qui me rafraîchit la mémoire. Demain, nous aurons le privilège de recevoir le nouveau patron du Centre national d'études spatiales français, le patron du CNES. Philippe Baptiste sera notre invité spécial demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.